Chapitre 3e. En prison, le palais de justice, le cachot de fer, souffrance, une émeute. On enferma le docteur et ses compagnons dans un grand bâtiment encombré de malfaiteurs. Mais leur incarcération ne les délivra ni des injures ni des violences. Jusqu'au soir, la populace continua de venir les poursuivre de ses témoignages de haine et de colère. Bien qu'ils n'eussent rien mangé depuis le matin du jour précédent, ils ne purent obtenir aucune nourriture. On leur accorda seulement un peu d'eau, et il était déjà tard lorsqu'ils purent enfin espérer, non pas le sommeil, mais du moins quelque repos sur la terre nue. Le lendemain, au point du jour, on bafouillait les prisonniers. On leur enleva leurs papiers et leurs valeurs, puis on les conduisit à l'hôtel international, où un déjeuner leur fut servi et de là au palais de justice. La réception qu'on nous fit dans les rues, comme nous sortions de l'hôtel après déjeuner, fut plus diabolique encore, s'il est possible, que celle de la nuit précédente. La ville entière semblait réunie, et les jurons, les hurlements, les insultes, les cris de « Donnez-leur du chanvre !»« La corde est prête !» etc., etc., nous furent prodigués jusqu'au palais de justice, où l'on nous menait pour subir un interrogatoire. On nous fit entrer dans une vaste chambre, à moitié achevée, remplie jusqu'au comble de la foule des démocrates de Weston, inaccessible à la crainte comme à la propreté. C'était une chambre grossièrement bâtie, un mur de briques tout nu, auquel étaient suspendues, juste au-dessus de nos têtes, trois cordes neuves avec un nœud coulant au bout. Ces figures dures, féroces, sales, les deux coins de la bouche portant la trace du jus de tabac ou l'empreinte de la pipe, les yeux ardents fixés sur nous, ces cordes trop significatives qui se balançaient au-dessus de nos têtes, les menaces sauvages qui faisaient retentir la salle et se mêlaient aux jurons les plus étranges que jamais oreille ait entendu, tout nous offrait la perspective peu réjouissante des cruautés dont est capable la fureur populaire. Le premier mouvement de deuil, en voyant les cordes fatales, fut d'aller droit au juge et de réclamer, en cas de violence, la protection due à tout citoyen américain. « Je ferai ce que je pourrai, » répondit le juge, « mais vous savez que je ne puis rien. »« Je le pensais, » répondit le docteur en regagnant sa place. L'instruction criminelle commença. Doyle demanda d'abord un défenseur, mais comme on lui avait enlevé son argent et qu'il ne pouvait offrir en paiement que sa reconnaissance, aucun avocat ne voulut travailler pour de pareils honoraires. Le juge s'enquit ensuite du rôle joué par Claude dans cette affaire, et le docteur ayant déclaré que ce garçon n'avait fait autre chose que de conduire un des fourgons, il fut remis en liberté. Quelques jours plus tard, il était de retour à Lawrence, ramenant ses chevaux et ceux du docteur, et ce fut par lui qu'on apprit l'arrestation des voyageurs. Mais on avait garde de relâcher ainsi Doyle et son fils. Le père surtout était trop connu comme un ardent ennemi des esclavagistes. Aussi, après avoir entendu quelques témoins qui rendirent compte de leur capture, après avoir permis aux deux prisonniers de signer une protestation contre les rigueurs dont ils étaient l'objet, le juge ordonna de les déposer dans la prison de Platte City, en attendant qu'on instruisît leur procès pour détournement d'esclaves. Toutefois, l'attitude de la foule qui remplissait la rue et les couloirs était tellement hostile que pour la seconde fois, Doyle réclama la protection des juges. Ceux-ci, qui craignaient en effet quelque violence, firent sortir les accusés par un escalier dérobé et on les déposa, pour la nuit, dans une mansarde où ils restèrent garrottés et gardés à vue. Mais, pour être délivrés des insultes de la rue, ils n'étaient pas à l'abri de tout danger. À chaque instant, des ruffiens entraient dans la prison où ils gisaient enchaînés et leur frappaient à coups de pied le corps et même la figure. Ces scènes se prolongèrent jusqu'à ce que Charles Doyle, exaspéré, le visage inondé de sang, se leva, agitant au-dessus de sa tête ses bras chargés de chaînes, poursuivit la populace jusqu'à la porte et la força de sortir. Spectacle curieux de voir deux citoyens de l'Amérique enlevés de leur pays sans aucune accusation contre eux, leurs habits déchirés en lambeaux, le sang coulant des blessures que, sans juste motif, leur faisaient des hommes qui s'honoraient également du titre de citoyens de l'Amérique. Le lendemain, l'arrêt du juge reçut son exécution et on transféra Doyle et son fils à Platte City sous bonne escorte. On les fouilla de nouveau, on les débarrassa de leurs chaînes, puis on les enferma dans une cellule obscure communiquant avec une grande salle que chauffait un poêle. Nous nous trouvâmes dans une espèce de boîte en fer, de 8 pieds carrés au juste, car je l'ai mesuré 100 fois, et de 7 pieds de haut. Pour tout meuble, il y avait un lit en fer garni d'un matelas, d'une couverture de cheval et d'un vieux morceau de tapis en coton. Les murs, le plancher, le plafond, tout était en métal. Il n'y avait d'autre ouverture que la porte, également en fer, bien verrouillée et percée d'un trou à 6 pouces de terre, par lequel on nous passait notre nourriture. C'est le 28 janvier 1859 que nous sommes entrés dans la prison de Plate City et nous sommes restés enfermés dans ce cercueil de fer jusqu'au 24 mars. Il ne nous a pas été permis de quitter cette cellule un seul instant jusqu'à notre comparution devant le grand juge quelques jours avant notre départ. Pendant cette longue captivité, nous n'avons eu à notre disposition aucun autre meuble que ceux dont l'énumération précède. Pour être juste, je dois y ajouter un seau en fer et une Bible qu'une amère dérision semblait avoir placé là. On nous avait jetés dans cette affreuse prison, telle que nous étions en sortant des mains de la populace de Weston. Pendant plus de 10 jours, nous n'avons pas eu assez d'eau pour boire, à plus forte raison pour les premiers besoins de la toilette. Nous étions obligés de nettoyer, tant bien que mal, le sang figé sur notre figure, avec une vieille couverture et notre salive. Jusqu'à l'arrivée de ma femme, qui parvint, après 3 semaines, à découvrir notre prison, nous n'avons pu changer de linge. Chaque soir, 2 hommes arrivaient régulièrement à 8 heures pour monter la garde dans la grande salle pendant la nuit. De plus, le geôlier venait de temps à autre jeter sur nous un coup d'œil. Pendant la première semaine, les Border Ruffians, au nombre d'environ 300, stationnaient autour de la prison et formaient un véritable camp. Ils étaient armés de mousquetons et de rifles et tenaient braqué sur la porte un canon en cuivre. La première nuit, ils tirèrent ce canon en signe de triomphe et le geôlier nous dit qu'ils avaient cassé presque toutes les vitres de la courthouse, palais de justice. Nous entendions au dehors ces forcenés qui ne cessaient de jeter des cris perçants, de pousser des hurlements, de tirer des coups de fusil et de menacer les Yankees, Jim Lane et tous les abolitionnistes du Kansas, de tirer d'eux les plus horribles vengeances. Quelques jours après, un meeting se réunit dans la ville et l'on prit la résolution d'aller pendre et brûler Doy et son fils, ces damnés voleurs de nègres. 2 individus vinrent successivement apporter cette nouvelle aux prisonniers et leur annoncer que 25 hommes avaient juré de forcer la prison et qu'ils allaient arriver. Le docteur barricada sa porte intérieurement avec le lit de fer, écrivit à sa famille une lettre où il annonçait sa situation et, armé de bâtons que les prisonniers de la grande salle avaient tirés du bois à brûler pour les lui donner, il attendit l'émeute avec son fils, décidé à vendre chèrement sa vie. Il n'eut pas besoin d'en venir à cette extrémité. Les ruffians furent détournés de leur projet par le juge Morton, qui menaça de décharger son fusil sur le premier d'entre eux qui avancerait et leur promit toute satisfaction par les voies légales.